Chasseur de tête, un métier en plein essor dans une société trop occupée et qui délègue ses fonctions de recrutement à des cabinets spécialisés. On constate en effet une forte augmentation du chiffre d'affaires pour les cabinets de recrutement. Les secteurs des finances et de la banque, de l'informatique, de l'ingénierie connaissent une période de regain et les chasseurs de tête, chargés de trouver les perles rares, ne sont pas prêts de fermer boutique. Édouard Samier, président de l'association Executive Search Consultant, est avec nous. Monsieur Samier, quel est le bilan de cette année ? En France, comme dans de nombreux autres pays d'ailleurs, l'année 2005 a été très positive et le bilan plus que satisfaisant. Nous nous attendons à une hausse de l'activité comprise entre 5 et 10%. De nouveaux cabinets ouvrent régulièrement et aujourd'hui plus de 1000 sont enregistrés pour la France seulement. Même l'AFNOR, qui est chargé d'attribuer les certifications NF Service Conseil en recrutement, a constaté que les demandes étaient de plus en plus nombreuses pour l'année qui vient de s'écouler. Il est incontestable que les cabinets de recrutement sont devenus un outil essentiel au marché de l'emploi. Nous gérons aujourd'hui environ 20% des embauches, et cette proportion est en développement constant. Et quels sont les profils professionnels auxquels les chasseurs de tête s'intéressent aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous recrutons de plus en plus de profils dits pointus. C'est vrai. Bien qu'il s'agisse pour une grande part de professionnels très qualifiés, avec un niveau d'études élevé, diplômés de très bonnes universités ou des grandes écoles et travaillant déjà dans des entreprises ou des cabinets de renom. Mais nous nous intéressons également aujourd'hui à des professionnels issus de formations de niveau moins élevé. Par exemple, les entreprises nous chargent souvent de trouver des ouvriers spécialisés et extrêmement qualifiés, comme des tôliers ou des chaudronniers. Et comment expliquez-vous cette tendance quelque peu insolite qui se développe aujourd'hui à avoir recours à des chasseurs de tête pour embaucher des ouvriers ? Eh bien, certains métiers tendent à disparaître et la main-d'œuvre vraiment qualifiée se fait de plus en plus rare. Alors les entreprises qui se trouvent en difficulté, lorsqu'elles ont besoin de recruter, s'adressent à nous. Selon les années, certains profils sont plus recherchés que d'autres. Par exemple, en 2004, l'informatique, qui est un secteur plus traditionnel, se portait très bien. Et puis l'ingénierie aussi a redémarré. Ensuite, en 2005, c'est dans les secteurs de la banque et des assurances que la demande s'est intensifiée et on a constaté une progression très nette des activités d'embauche dans ces secteurs-là. Peut-on dire que ce phénomène est lié à un recul du nombre de personnes qualifiées ? Non, le nombre n'est pas en cause. Mais les banques ont dû faire face à des besoins de jeunes collaborateurs et d'analystes ayant 1 ou 2 ans d'expérience tout au plus. Car elle n'embauchait plus de jeunes du tout depuis 2001. Et le passage à l'euro... Il semble donc, à ce que vous dites, que l'avenir soit assuré pour un bon moment encore pour tous les cabinets de conseil en recrutement ? Oui. D'après nos prévisions, l'année qui vient devrait être marquée par l'arrivée à l'âge de la retraite des papy-boomers, ce qui créera un vide dans les rangs des employés. Vide qui devra rapidement être compensé par le recrutement massif d'un grand nombre de jeunes gens compétents, qui sont d'ailleurs déjà sur le marché de l'emploi. Une dernière question, monsieur Samier. Tout à l'heure, vous mentionniez que l'AFNOR recevait de plus en plus de demandes de certification. Quelles sont les caractéristiques certifiées ? Pour obtenir le label NF Service Conseil, les critères auxquels doivent répondre les cabinets de conseil concernent tout d'abord l'éthique de la profession, les relations contractuelles et naturellement les techniques de recherche et d'évaluation des candidats. Ensuite, la qualité de l'information donnée aux candidats est également prise en compte, ainsi que l'évaluation et l'amélioration de la qualité du service aux entreprises. En effet, il est important que les entreprises puissent faire appel à un cabinet conseil en toute confiance et qu'elles aient la garantie d'obtenir des propositions de candidats en parfaite cohérence avec les besoins de recrutement. Sinon, les cabinets les plus cotés perdraient toute crédibilité.